Connecte-toi vite sur contactfm.com. Plus un seul disque ne pourra t'échapper. I'm session techno. Techno avec Hachette. We'll be right back. s'arrête pas. Le mix ne s'arrête pas. Grande session du week-end. Sur Contact FM. Session. Mix live. Avec Vince.